Donc les articles de fond, pour la plupart, font de 1 à 2 pages, voire jusqu'à 3 pages. Le tout comprend une douzaine de pages. Et donc on peut vraiment dire que c'est, dans le pur sens du terme, un journal d'agitation, de propagande. Et au niveau de ce qu'on y trouve, eh ben, le sujet, c'est vraiment pas spécialement une revue, un journal historique, mais plutôt porté sur des thématiques actuelles telles que les technologies de la télécommunication, vidéosurveillance, la 5G, la fibre optique, l'exploitation des matières premières, l'extractivisme et l'industrialisme, entre autres. Et aussi, on trouve des articles genre le suicide assisté, qu'on appelle euthanasie, et sur des sujets tels que l'industrie militaire. En n'oubliant pas de pointer d'un A cerclé de feu les cibles du capitalisme, en nommant clairement celles-ci. En ce qui concerne les articles de fond, je vous prends un exemple qui date du mois de janvier 2021, avec le titre « Une île ». Des mines et des flammes, article qui traite des révoltes assez conséquentes en Nouvelle-Calédonie. Il faut le rappeler, toujours sous la souveraineté française. Et donc, cet article nous parle des révoltes qui ont eu lieu dans le courant du mois de novembre sur la question de l'extraction de nickel et de cobalt dans les mines et les usines d'extraction de nickel et de cobalt. Article qui est assez bien détaillé, qui fait écho aux révoltes et que la presse française ne traite quasi pas, ou alors, comme à son habitude, ne parle pas des enjeux économiques et ni de l'ampleur de ces révoltes, et le traite plutôt comme une révolte de voyous, un soulèvement de quelques voyous. En résumé, c'est un article, on y apprend plein de choses, malgré qu'il est torché en 2-3 pages. À la fin du canard, on y trouve la rubrique « Du cœur à l'ouvrage », qui est une sorte de compilation de petites brèves et d'actions de sabotage multiples et variées en France et en Belgique, dont je vais vous lire 3 petits exemples tirés du journal du mois de février 2021. Donc, on est le 1er janvier 2021 à Panmanzi, à Mayotte. Une petite dizaine de sans-papiers parvient à s'évader du centre de rétention après avoir escaladé pas moins de 10 mètres de grille. Une autre brève qui se situe en Haute-Vienne, un relais TDF de 230 mètres de haut situé au sud de Limoges a été incendié, privant 1 500 000 personnes de radio, de télévision, de téléphone portable. Un deuxième incendie touche également une autre antenne de téléphonie mobile d'Orange située plus loin, revendiquée par un comité pour l'abolition de la 5G. Et alors, encore une autre brève qui est datée du 13 janvier donc 2021, à Bruxelles, en Belgique, lors d'un rassemblement suite au décès du jeune Ibrahima pendant sa garde à vue, la façade du commissariat de la place Litz est incendiée avec 2 flics pris au piège à l'intérieur et un second commissariat, rue Nicolai, subit une attaque incendiaire lors des affrontements. Bref, on trouve chaque fois donc une petite page avec ces brèves sur les actions directes. Qui écrit ce journal ou dans quel esprit est écrit ce journal ? Eh bien, ce sont des individus d'ici et d'ailleurs, entendus par là de France et de Belgique, qui participent à l'élaboration de ce journal, qui est ni l'organe d'une organisation ni d'un parti, et qui est l'expression de ceux qui font ce journal et le font vivre. Donc, vous l'aurez compris, c'est très clairement un journal d'agitation anarchiste qui traite des questions actuelles avec une perspective d'action directe. Donc, comme je disais au début, il existe depuis un an. Et en conclusion, eh ben, c'est pas le genre de journal qui va faire augmenter le PIB de la Belgique ni celui de la France. Par contre, ça vaut le coup d'œil. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de le lire. Et où on peut le trouver ? Ben, du coup, on peut le trouver à la Distro La Pinothèque, mais également dans quelques bibliothèques anarchistes telles qu'à Crata, au centre-ville de Bruxelles, mais aussi les diffuser, disséminer dans quelques squats ici à Bruxelles et aussi à Paris. Si vous voulez les contacter ou vous abonner, vous pouvez écrire au journal, donc c'est donc journalanarchie@riseup.net. C'est un journal qui n'existe que sous la forme de papier, donc il n'y a pas de version internet. Et c'est parti, on va s'écouter un petit morceau de musique. My C'était We at Work par The Brigade, 86. Excellent. Et moi, je vais vous présenter, donc, comme l'avait dit Aline, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, de Johann Chapoutot. Donc, c'est un livre qui aborde le management en analysant le contexte de la période nazie en Allemagne comme un grand moment d'expérimentation, comme dirait l'auteur, de la gestion et de la direction des hommes. Et aussi le prolongement de ces méthodes et cette expérimentation-là à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. En montrant notamment que, par exemple, Reinhard Hahn, qui est un ancien général nazi, a fait carrière en devenant un des grands théoriciens du management. Je reviendrai à Reinhard Hahn un peu plus tard. D'abord, je vais vous dire ce que j'ai appris dans ce bouquin. Eh bien, j'ai appris que le régime nazi était contre l'État, en quelque sorte. Je m'explique. Les nazis ont pour objectif la perpétuation de la race par le darwinisme social. Donc, en gros, laisser libre cours à la concurrence entre les hommes pour que le meilleur gagne. Et Hitler, ben, il est un bon exemple. Il est issu du petit peuple. Il arrive à s'élever comme Führer en tant que guide suprême. Et donc, pour faire face aux urgences biologiques et historiques, procréer, combattre, l'État social, c'est un frein. C'est un frein au déploiement de la liberté germanique parce que l'État entretient les malades, les handicapés, les pauvres chômeurs qui profitent du chômage. Et donc le régime nazi est beaucoup plus chaotique que ce que je pensais. Il y a un guide autoritaire, oui, mais c'est une autorité qui est consentie par le peuple. Et le fonctionnement de l'État à ce moment-là, c'est l'instauration d'une concurrence avec un pouvoir central qui fait l'arbitre, qui siffle et qui arbitre les solutions les plus efficaces. Et puis quand c'est pas suffisamment efficace, c'est pas les bonnes, quoi. Par exemple, le régime nazi institue un état d'exception qui donne à la police plus de pouvoir en matière de répression politique. Ou un autre exemple, c'est que les fonctionnaires et les magistrats qui vont pas suffisamment dans le sens des nécessités biologiques, comme je disais, ils sont licenciés, quoi. Les clés de ce fonctionnement, donc, c'est décentralisation, darwinisme administratif et fabrique de consentement à grande échelle. Je vais vous lire un petit passage pour exprimer ce propos de culture du ralliement, là. Le travailleur allemand incarne et réalise sa liberté, heureux qu'il est de contribuer à l'œuvre de relèvement national. Ce refrain répété sur tous les tons ne convainc personne. D'abord, et y compris chez les hiérarques du régime, qui ne sont pas dupes à cet égard de leur propre propagande, et qui sont bien conscients que pour éviter une révolte ou une révolution, et éviter de terminer comme Guillaume II en 1918, il leur faut donner des satisfactions concrètes aux travailleurs du Reich. Soit, comme le formule l'historien Götz Ali, acheter les Allemands. Ça passe par une politique sociale et fiscale avantageuse pour les sujets germaniques. Les impôts baissent et les prestations sociales augmentent. Le tout étant financé par les spoliations imposées aux ennemis politiques du régime et aux juifs en instance d'exil, ainsi que par les prédations de la guerre à venir que l'on anticipe avec gourmandise. Le Reich vit fiscalement, socialement et économiquement à crédit pour financer son économie de guerre et encourager le travailleur allemand à œuvrer sans trop renâcler. Dans le travail, dans la vie économique comme dans le quotidien politique, le consentement des Allemands fait l'objet d'une attention extrême de la part des dirigeants du Reich. Obtenir l'assentiment, voire susciter l'adhésion, est leur préoccupation constante et avérée. Jusqu'au dernier moment, l'histoire, celle des révolutions de 17 en Russie et de 18 en Allemagne, entre autres, prouve que le renseignement et la répression ne sont utiles qu'à la marge, en complément d'une vaste politique de production du ralliement. Et donc je reviens à Reinhard Hahn que j'avais introduit au début. Du coup, lui, c'est un théoricien et un praticien des idées que j'expose. Et du coup, il comprend bien l'enjeu économique d'avoir des travailleurs soi-disant libres, quoi. Et après la guerre, il se demande comment prolonger ses idées. Et il crée l'Institut de Bad Harzburg, qui est un institut de formation au management, qui accueille tout le gratin de l'élite patronale de la République fédérale allemande. 600 000 cadres et 100 000 inscrits à distance. Lui, il est mort en 2001, du coup, c'est il n'y a pas si longtemps, quoi. Et il va développer ce management par objectif et par délégation de responsabilité. Donc, motiver les travailleurs et les employés en leur donnant la liberté de choisir les moyens qu'ils vont utiliser pour arriver à des fins qui sont pas décidé par eux-mêmes. Ça, c'est pas tout à fait dit directement, quoi. Et donc, évidemment, c'est de transmettre des responsabilités aux travailleurs. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est de leur faute. Donc, ils sont responsables de leur échec aussi, quoi. Pour reprendre Chapoutot, le travailleur est libre d'atteindre les moyens d'une fin qu'il n'a pas choisie. Il est libre d'obéir. Pour ça, il faut que les employés consentent à leur sort, qu'ils se sentent pleinement faire partie de l'entreprise. C'est comme ça qu'on parle, et on en parle vachement aujourd'hui, quoi, de dire les collaborateurs. C'est pas les travailleurs ou les... C'est les collaborateurs. On est tous des collaborateurs d'entreprise. Et puis on parle aussi d'engagement mutuel, de bienveillance et tout ça. On se fait une petite pause musicale et on va s'écouter Alain de Igor et Ruby My Dear sur l'album Major. Ce morceau du CD, vous pouvez l'écouter en voiture, dans le métro, en faisant de la gym ou à n'importe quel autre moment. Donc voilà, moi ce bouquin il m'a vachement parlé dans le décryptage un petit peu du management comme prolongement, enfin comme grande expérimentation au moment du régime nazi et son prolongement aujourd'hui, quoi. Je vous ai présenté le management par délégation de responsabilité qui est vachement influent aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de nos travails qu'on connaît, quoi. Enfin, en tout cas moi ça me parle, de les objectifs qui sont fixés par l'employeur, la liberté dans les moyens d'atteindre ces objectifs. Responsabilité, on est tous responsables, on est tous collaborateurs, bon rapport avec la hiérarchie, sous prétexte de confiance et de bienveillance. On adhère tous à la vision globale de l'institution, de l'entreprise, de l'institution sociale aussi. Hein. Ça me fait penser à ce que j'avais présenté, Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation dans le travail associatif. Et voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je voulais, voulais insister sur le fait que c'était pas du tout de l'autonomie, quoi, tous ces trucs-là. L'autonomie, c'est la capacité des êtres humains et pour nous de décider par nous-mêmes de ce qui nous concerne et de directement dans l'ensemble, quoi. Autant sur les moyens, mais sur les fins aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on veut, comment et voilà. Et du coup, j'ai l'impression que ce livre ou les analyses de Chapoutot se complètent avec d'autres lectures, notamment sur l'autonomie. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce bouquin? Je vous le conseille vivement. Mais où vous étiez? Je vous cherche depuis une heure. Désolé, mais j'étais encore au self. Ils ont un très bon gratin dauphinois aujourd'hui. Vous m'avez fait perdre une belle occasion de gagner un marché. Et vous m'avez coûté de l'argent. Allô? Je sais pas ce qui me retient de vous foutre à la porte. Vous pouvez pas, désolé, je suis qu'un simple stagiaire, n'oubliez pas. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ouais. Allez vous faire foutre. À bas la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains moites. À bas la hiérarchie pour tous les mecs qui sont dans les toits. La hiérarchie pour tous ceux qui ont les mains moites. Tu es un boss, boss, boss. Beaucoup. Écrase-toi et mets ton orgueil au porte-manteau. Tout le monde y pense, tout le monde oublie. Personne se barre, tout le monde subit. Alors tu bosses 15 bombes sur un Macintosh. C'est moche, y'a le boss qui vénère comme un boche. Il crache dessus, tu stresses et l'envoies. À bas la hiérarchie, comme vous avez dû le comprendre, par Stupéflip en 2002. Je vous propose d'écouter la réponse à la question que j'ai posée à Patrice Ville et Christiane Gillon, auteurs et autrices du livre Manuel de socio-analyse, édité en 2018 chez Réveiller les loups. Miles Davis, ascenseur pour l'échafaud. Aline nous a demandé à Patrice Ville et moi, Christiane Gillon, de raconter qu'est-ce qui nous a séduit dans la socio-analyse, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvés socio-analystes au début des années 70. Alors d'abord, il faut que l'on dise qu'est-ce que c'est une socio-analyse, grosso modo. De toute façon, c'est assez simple à dire. Il s'agit d'une assemblée de gens qui ont un pouvoir et ou un savoir sur une situation problématique, en général une situation de crise, mais pas uniquement, et qui sont réunis pendant 5 jours pour comprendre cette situation. Ils sont réunis autour de socio-analystes qu'ils ont fait venir. Ces socio-analystes ne savent rien de la situation. Ils sont dans une position de non-savoir. Et les différents participants à l'Assemblée essayent d'expliquer, d'échanger en fait leur point de vue sur la situation, ce qui produit un savoir socialisé, socio-analyse, c'est-à-dire un savoir qui vient à la fois des gens qui sont situés en périphérie de cette situation ou bien au centre, de gens qui ont des pouvoirs, qui sont des dirigeants ou qui manipulent de l'argent, des budgets, etc., mais aussi des gens qui n'ont aucun pouvoir ou un autre pouvoir d'influence, ou des gens qui sont hiérarchiquement en bas ou en haut de la pyramide, ou s'il n'y a pas de pyramide, des gens qui sont séparés par leur métier, par leurs appartenances, mais qui, pour cette assemblée, se retrouvent réunis, ce qui n'est pas habituel. Donc, c'est donc une assemblée transverse, la plus transverse possible, et qui autogère son analyse de la situation. C'est donc une enquête qui avance pendant les 5 jours en donnant donc la place à tous les points de vue sur la situation. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Pour moi, c'est ça une socio-analyse. Alors évidemment, on pourrait le dire en termes plus savants, donc dire: une socio-analyse, c'est un exercice de sociologie critique qui est mené par des sociologues qui ont fait le choix d'une contre-sociologie, c'est-à-dire une sociologie où on met en capacité les acteurs sociaux de produire le savoir qu'ils ont sur une situation, savoir qu'ils sont dits profanes, parce que ce ne sont pas des savoirs savants, mais des savoirs qui vont être partagés par toutes les personnes concernées par une situation. Donc je continue, mais je vais raconter comment moi je suis arrivé à m'intéresser à ce truc-là en fait. Patrice Ville. Donc au moment où je rencontre la socio-analyse, c'est dans un cours de René Loureau. J'ai 20 ans, je viens de suivre des cours de sociologie à Nanterre, mais en fait, pour les 2 premières années, sociologie ça veut dire tout un tas de cours de sciences humaines. Donc il y a à la fois la démographie, les mathématiques, la sociologie, l'ethnographie, la démographie, la philosophie, etc., etc. Ce sont des époques aussi où on est très marqué par Freud et puis Marx. Et moi, je vais être marqué plus spécialement par certains professeurs. Henri Lefebvre, je ne vais pas être marqué tout seul, puisque tout un tas de gens vont être marqués à l'époque. Henri Lefebvre, qui nous enseigne Marx, mais qui va jouer un grand rôle parce qu'il explique que le politique est dans le quotidien. Il va écrire des livres qui s'appelleront « Critique de la vie quotidienne ». Et il explique aussi que il faut aller plutôt vers la critique que vers la crise, parce que quand on laisse fonctionner une crise, on ne sait jamais qu'est-ce qui en sort. Ça peut être le nazisme, ça peut être l'extrême droite, comme la gauche, la démocratie, etc. On n'en sait rien, quoi. Et il propose à la place la critique comme une modalité qui permet de vivre les choses en parlant, en fait, et de conduire vers des sorties espérées d'une situation. Bon. L'autre aspect, c'est qu'il trouve que le politique est dans le quotidien. En fait, le capitalisme s'inscrit dans des rapports du quotidien, dans des horaires, dans des choses comme ça. Du coup, réfléchir au quotidien et le transformer, c'est faire de la politique. Ça va jouer un rôle pour la génération de 68. Il avait fait venir aussi une autre personne qui s'appelle Jean Baudrillard, qui venait de traduire l'idéologie allemande de Marx, et qui va se pencher sur l'anodin, le banal, le système des objets. Et alors, le thème qu'ils ont décidé dans l'année 68, c'est pas anodin, c'est le thème de l'aliénation. Bon. Alors, peut-être faut dire quand même deux mots sur cette université et sur pourquoi 68. Donc, c'est une université où se retrouvent à la fois les quartiers les plus bourgeois de Paris, 16e, Passy, 17e, Neuilly, etc., mais aussi les quartiers dits à l'époque rouges, où on vote PCF. Asnières, Beson, la Garenne-Colombes, etc. Donc c'est un mélange tout à fait étrange d'étudiants, dans une fac toute nouvelle, qui est destinée à décongestionner la Sorbonne. Et cette fac, elle est située juste à côté d'un immense bidonville, le plus grand bidonville de France de l'époque, Boueux, où les étudiants au début se perdent en ne trouvant pas la fac, etc. Et ça va faire un choc quand même très violent d'être confronté à cette misère. Un choc pour tous les étudiants, de quelque milieu qu'ils soient. Donc ça, c'est un des éléments. Il y a aussi à l'époque la guerre du Vietnam, contre laquelle nous manifestons. Il va y avoir aussi des contre-manifestations par le mouvement d'extrême droite Occident, donc des bagarres. Moi, je fais partie du front antifasciste. Et c'est justement lors de l'arrestation d'un étudiant qu'on a décidé le 22 mars d'envahir la tour administrative. Mais ce qui s'est passé pour moi peut-être de plus important dans cette tour administrative, c'est la décision de faire une université critique qui ressemblait à celle qui avait été faite par les étudiants berlinois à Berlin. Donc ils avaient décidé de créer une université et de la faire fonctionner eux-mêmes avec leur propre programme. Donc ça, c'est un modèle qui nous avait marqué. En plus, on était quand même imprégné à l'époque d'idées d'autogestion, de démocratie directe, etc. Voilà. Donc ça fait partie de ce qui s'est passé en mai 68. En 69, je vais suivre un cours, celui du René Houreau. Dans ce cours, je vais découvrir toute une histoire de renversements divers et variés. Par exemple, ceux qui ont opéré la pédagogie institutionnelle, qui va mettre l'élève au centre et s'accrocher au mouvement Freinet, supprimer l'estrade, etc. Ou alors la psychothérapie institutionnelle qui met le malade au centre et qui cherche à le resocialiser et non plus à l'enfermer. Bref, à des systèmes de renversement, d'autres façons de réfléchir à ce qui fait et défait les normes. Et c'est dans un de ses cours qu'il propose aux étudiants de participer à la création d'un modèle de contre-sociologie appelé la socianalyse. Julien Louraud, The Rise, en hommage à son père René Louraud. Alors, Moi, donc, je Christiane Gillon, née en Belgique. Je suis très marquée d'abord par mes années d'école primaire, c'est-à-dire que je suis une enfant de la pédagogie de Crowley, de l'école Amélie Hamed à Bruxelles, mais qui pratiquait la pédagogie de Crowley, dont je me suis rendu compte a posteriori, d'une part, que ça m'avait profondément marquée, parce que c'est une pédagogie de l'action, où l'enfant apprend par l'action, où les enfants sont au centre du mode de fonctionnement, et où les enfants doivent et peuvent gérer la classe, leur repas, leur sieste, les corvées, les animaux, et toutes les activités du matin qui sont des activités plus de connaissances, et d'après-midi plus artistiques, en extérieur. Bref, une pédagogie qui est proche, ce dont je me rendrai compte plus tard, de la pédagogie du mouvement Freinet et de la pédagogie institutionnelle. Alors, je trouve amusant de voir que Patrice voulait faire du cinéma et il avait raté donc un examen d'entrée dans une école de cinéma où il avait eu une mauvaise note en sciences humaines, ce qui l'a amené à s'inscrire en sciences humaines à Nanterre. Et moi, je voulais être journaliste à l'âge de 17 ans. J'avais choisi d'aller à l'école de journalisme de Lille. Mais ma mère s'est employée à m'en dissuader en me disant que le journalisme, on n'apprenait pas le journalisme dans une école, mais qu'il fallait avoir plutôt une formation solide de base. Et ensuite, on pouvait être journaliste. Du coup, donc, je trouve intéressant qu'on ait voulu l'un être dans le cinéma et l'autre journaliste, et que ces vocations contrariées nous ont conduit vers la sociologie. Alors moi, au début, je ne suis pas en sociologie, je suis en sciences économiques pendant 2 ans, économie politique, c'est intéressant, mais c'est, en réalité, je n'ai aucune envie de poursuivre là-dedans. Et je bifurque vers la sociologie qui était un tout petit machin qui était avec un numéro réduit, on n'était que 10 inscrits, et on était en plus à l'intérieur de la fac de droit, contrairement à la France où la sociologie, les sciences humaines sont avec la philo, psychosociaux. Nous, à Liège, on était séparés. La sociologie était dans le droit et la philo et la psycho étaient dans les lettres, je crois. Et comme sociologue, en fait, on va être très marqué par une certaine similitude entre les métiers de l'ingénieur dans le monde technique, et puis les métiers de l'ingénieur social, c'était la conception que nos professeurs avaient du sociologue, un ingénieur social. Bon, nous, on était très critiques par rapport à ça, mais mine de rien, je pense que ça a quand même eu un impact sur l'intérêt que je vais avoir après pour les dispositifs, comme la socianalyse. Donc, la sociologie est très décriée, et les professeurs de droit ont plutôt l'intention de nous dissoudre et de réserver la sociologie à un troisième cycle. Ils considèrent que la sociologie n'est pas suffisamment sérieuse pour faire l'objet d'études de premier et de deuxième cycle. Cette contestation par les professeurs de droit se produit au même moment qu'un mouvement, un grand mouvement universitaire qui se déclenche alors, dans toutes les disciplines. D'ailleurs, ça me frappe le fait que, pour Patrice aussi, il y a eu un mélange. Il y a ces moments où il n'y a plus les divisions entre les disciplines ou les divisions entre les catégories sociales. Donc là, on se mélange tous dans un mouvement pour aller contre une réforme des études universitaires qui voulait créer des diplômes universitaires de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 qui donnaient des accès différenciés au monde du travail. Et donc dans ce grand mouvement s'accompagne aussi pour moi de la découverte du féminisme. Je deviens une militante féministe active. Je vais ouvrir un café, le Café des Femmes, créer une filière d'avortement clandestin, lutter contre les problèmes femmes battues, etc. Donc, ce mouvement s'accompagne du côté de la sociologie, d'une résistance à notre dissolution. Et finalement, on se retrouve en tant qu'étudiant de sociologie, auteur de notre propre cycle d'études. Donc, on fait venir à Liège, des enseignants de toutes sortes de disciplines qui sont justement les disciplines qui vont influencer aussi la socio-analyse, comme anthropologie, ethnologie, psychosociologie, psychanalyse. Et je dois en oublier, mais voilà, et on avait bien entendu aussi du droit et des mathématiques, etc. Mais, donc on se trouvait, d'un point de vue disciplinaire, également dans une transversalité très forte. Et c'est dans ce cadre que moi je vais rencontrer René Loureau, donc, qui a créé la socio-analyse avec Georges Lapassade. Georges Lapassade, lui, ne va pas être invité par notre université. Je crois que Georges Lapassade était trop sulfureux pour être invité par une université. Il est invité par un cabaret qui est tenu par des amis à moi, dont Michel Antaki, aujourd'hui décédé. Ce cabaret s'appelait le Cirque d'Hiver, mais d'Hiver, D-I-V-E-R-S. Donc Georges Lapassade vient à Liège pour faire tout un tas de performances, en fait, au Cirque d'Hiver. Et ça me donne l'occasion de découvrir davantage ce que c'est la socio-analyse, et je décide de quitter la Belgique pour apprendre la sociologie d'intervention, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de faculté qui enseigne la sociologie d'intervention. Alors, en France, il y a l'analyse institutionnelle, mais il y a aussi Alain Touraine, qui a créé une méthode qui s'appelle l'intervention sociologique, et moi je vais partir travailler 3 ans avec Alain Touraine, et puis aussi me lancer progressivement dans la socio-analyse. Alors, si je veux dire quelque chose de plus ou d'un peu différent de ce qu'a dit Patrice, que je partage entièrement par ailleurs sur la socio-analyse, moi, à Liège, mon professeur, Paul Minon, est complètement concentré sur les méthodologies, notamment les méthodologies qui permettent de fabriquer un maximum de distance et de neutralité pour le sociologue. Ça se passe dans un contexte de critique très forte de la sociologie, qui est considérée comme une science molle, ou tellement molle que pas scientifique. Et donc, on muscle des méthodologies pour essayer de gagner la légitimité de la socio-analyse comme science humaine. Et quand je découvre la socio-analyse et l'intervention sociologique aussi de Touraine, en fait, c'est un retournement épistémologique que je trouve absolument génial. C'est l'idée qu'au lieu d'essayer de lutter contre le biais qui est créé par notre présence de sociologue, nos implications, notre interaction avec les gens dans une situation, en fait, on va se servir de ce biais précisément pour connaître ce qui se passe et pour produire du savoir sur ce qui se passe. C'est-à-dire, Touraine disait que l'intervention, c'est l'étude d'un rapport social à l'aide du rapport entre des acteurs sociaux et des sociologues. Et dans la socio-analyse, c'est ça, c'est-à-dire qu'on arrive dans une situation, on ne sait rien, tout le monde essaye de nous donner des explications, tout le monde partage avec nous son savoir, mais donc comme c'est partagé avec nous, c'est partagé avec les autres, puisqu'on n'est pas dans une situation d'enquête, pas dans une situation d'enquête traditionnelle au sens de mener des entretiens. L'enquête se passe en public, dans une assemblée, et tout le monde produit et partage et entend des savoirs sur une situation donnée. Voilà, c'est... Il n'y a pas d'hypothèse a priori qui est posée, il n'y a pas d'hypothèse à vérifier, il y a plutôt à trouver, découvrir tout le savoir que les acteurs ont sur une situation, que les acteurs sociaux ont sur une situation, et ce savoir, il est produit en vue d'aider l'action, c'est un savoir qui est directement utilisable par des acteurs sociaux et qui n'a pas à transiter par la cité savante. Voilà, donc c'est un savoir dit profane. Un autre point qui est passionnant dans la socio-analyse, c'est la dimension autogestionnaire, qui rejoint justement la pédagogie de Crowley ou la pédagogie institutionnelle. C'est-à-dire, c'est une assemblée, il y a une enquête qui est menée sur une situation problématique par une assemblée de gens qui ont des savoirs ou des pouvoirs sur cette situation, et cette assemblée, elle autogère tout le processus d'analyse. Elle autogère aussi qui est invité dans l'assemblée pour élargir cette assemblée, et elle autogère la rémunération des intervenants, parce que cette assemblée, elle va définir le sens, le montant et les modalités de la rémunération des sociologues intervenants. Voilà, donc on a pratiqué ça pendant plus de 40 ans, Patrice Ville et moi. Pendant un moment, on était plutôt seuls, il n'y avait pas beaucoup de socialistes autres que nous. Mais à partir de 2010, on a été contactés par des Brésiliens qui étaient chargés de mettre en place une politique qui avait été décidée par le président Lula de production de médicaments à base de plantes. Et pour que cette politique soit effective et qu'il n'y ait pas un écart hallucinant entre la politique et la réalité, eux avaient conçu un dispositif en réseau, un réseau d'arrangements éco-productifs locaux. Et évidemment, ce réseau était très conflictuel, puisqu'il mêlait des Indiens, des agriculteurs, des chercheurs, des politiques, des gens du système de santé brésilien, bref, des gens avec des intérêts et des conceptions opposées. Donc ils se sont intéressés à nous et à la socialanalyse parce qu'ils ils se sont intéressés à la dimension créative des conflits et au fait que les conflits sont des sources d'innovation pour peu qu'on les ouvre et qu'on examine ce qu'il y a dedans. Ensuite, à partir de 2015, on est entré en contact avec le monde de l'éducation populaire, et c'est Anthony Brault de l'ex-Scope Le Pavé, où nous avions fait une socialanalyse, qui nous a invités à multiplier des formations à la socialanalyse, principalement pour des gens de l'éducation populaire, qui se sont lancés à leur tour dans la pratique professionnelle de l'intervention socio-analytique. Et c'est pour eux et pour les Brésiliens qu'on a rédigé un manuel pratique de socio-analyse afin de transmettre en fait ce métier de sociologue, cette contre-sociologie qui n'a pas eu sa place à l'université. Ce qui, quand on y réfléchit bien, n'est pas vraiment étonnant, puisque une contre-sociologie avec pour but la mise en valeur d'un savoir profane, comment peut-elle être reconnue dans l'université? Ça paraît tellement paradoxal. Extrait de la leçon numéro 2, différencier, analyse et théorie. Analyse vient du mot grec analusis. Ce mot est composé de deux termes d'usage courant dans la Grèce antique, c'est-à-dire que leur sens était immédiatement compréhensible. Ces termes relevaient du sens commun. Il ressort assez clairement de la lecture du dictionnaire de grec ancien que, dans son sens originel, le mot « analyse » exprime une idée de déliment, de partition, de déconstruction, de dissolution. Ainsi, analyse veut dire j'analyse ma vie, ce qui signifie littéralement je meurs. Nina Hagen, Superboy. Der Saturn, der Schlag. 1998, perdu dans la jungle entre Taman Rasset et Vladivostok. L'air est moite, irrespirable. Au loin, dans les baobabs, les cris des fauves résonnent. Nos héros ont-ils une chance d'échapper aux pièges vicieux que leur tend la jungle tropicale? Survivront-ils aux guerriers sans merci, aux serpents vénéneux, aux mouches tsetsés, à la conjonctivite, aux poussées de fièvre rafteuse et aux cannibales affamés? Y a-t-il encore le moindre espoir? Vous le saurez en vivant avec nous cette aventure des plus excitantes où s'entrecroisent avec subtilité passion et banane flambée. Vous y retrouverez du rire! De l'aventure! Cette forêt est dense! N'ayez crainte, Ophélie! Nous allons déboiser avec mon coupongle! De l'amour! Charlerie! Franco! Du suspense! Mon Dieu, Charlerie! Comme ce lion a de grandes dents! N'ayez crainte, Ophélie! N'ayez crainte! Ah ah! Vous y retrouverez aussi du mimosa, des merguez frites! Et bien plus encore, Ludwig est heureux de vous présenter le club des punks contre l'apocalypse zombie. Un roman post-apocalyptique écrit par Karim Berouka, chanteur-parolier des Ludwig von 88. Nuit de juin, courte mais belle. Courte parce que, bien évidemment, c'est la saison. Mais aussi parce que le temps est une question de perception, et que celle que peuvent avoir deux spies fonce dès des dernières heures est un peu trop faussée par leur consommation de substances psychotropes. Ils ont débuté la soirée en gobant deux acides, qu'ils ont arrosés de quelques binouzes, deux packs de 12, ce qui commence à compter, même si ce n'était que de l'accro. Du coup, leur cervelle a largement dépassé la cote d'alerte toxicologique. Elle est habituée, certes, mais ça ne l'empêche pas pour autant de se mettre en mode free party. En résumé, de 23h37 à 1h05, répète dans la grande salle commune du squat, rez-de-chaussée. De Spy a sorti le vieux Marshall pourri, chouré, on ne sait plus où. Fonce D a branché une boîte à rythme et un micro sur la chaîne stéréo. C'est sympa, on croirait une reformation des Berrues en version punk trash progressif. Un seul morceau de près de 2 heures, 3 accords en boucle, avec, pour parole, des passages de l'art de la guerre de Sun Tzu scandé, entrecoupés de quelques slogans revendicateurs plus ou moins personnels, du genre « viande à caserne, chair à canon, cervelle en berne, troupeau de moutons ». La guerre, mais qu'est-ce qu'elle a fait de moi, la guerre ? On ne peut abolir la guerre qu'en sniffant de la colle. C'est très concept. Et c'est long, surtout pour du punk, mais le génie créateur se moque des conventions et des contraintes stylistiques. À 1h06, Eva descend. Vous faites grave chier les mecs, j'ai besoin de dormir. Allez plutôt emmerder les bobos en leur jouant Caprice et Fini sous leur fenêtre. Avec vos putains de didgeridos en rouleau de PQ. Mais là, stop, merde. Normalement, Eva n'a rien contre les sessions punk défonce dans la salle commune, elle y participe même assez souvent. Mais cette nuit, elle est remontée. Ou plutôt, elle aimerait redescendre. De Spy et Fonce D peuvent comprendre, ils ont aussi fait l'expérience des gardes à vue prolongée, et pour des raisons plus méritées. Donc, fin de la répète, ils rangent l'ampli, le micro, la boîte à rythme, s'envoient 3 ou 4 binous pour décompresser, réalignent quelques neurones qui commencent à s'essayer à des connexions synaptiques un peu trop free jazz avec une ligne de speed. Et ils poussent les canapés et les tables. C'est l'heure de l'entraînement de pogo fighting. Ça permettra de canaliser leur énergie débordante. Donc, de 1h32 à 2h28, session d'entraînement de pogo fighting. Dans la playlist, Chaos Yuka, Disorder, Chaotic Discord et bien sûr Discharge. À 2h29, Eva descend une deuxième fois. Putain, c'est quoi votre projet ? Ruiner ma nuit avec vos conneries ? Eva est fâchée, toujours pour la même raison. Faut dire que de nuit à poil dans une cellule dont les murs sont couverts de merde séchée et le sol pue la pisse à se farcir les vannes salaces et les insultes sexistes de la horde locale de flics, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour calmer les nerfs. Elle avait cru les lointaines terres des Yvelines plus bucoliques, plus accueillantes. Erreur. Au commissariat de Rambouillet, on cultive avec fierté l'abus de pouvoir. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir débarqué du train avec des draps couverts de slogans anti-chasse à cour. Même pas eu le temps de sortir de la gare, encore moins de déplier les banderoles. Les grands moyens avaient été déployés. On aurait pu croire que Ben Laden ressuscité était attendu dans le train de 11h15. Bref, tout le monde embarqué, avec mandat les coups dans les genoux. Et de nuit en cellule. Pas bien étonnant qu'Eva ne soit pas de bonne humeur. De Spy et Fonce-Dé mettent un terme à leur entraînement, replacent le mobilier, passent la tête sous la douche, ouvrent quelques canettes. Il est temps de passer à une autre activité, pas trop bruyante, histoire de ménager leurs potes. Parce que bien évidemment, Eva, il l'aime beaucoup. Même si elle est chiante avec son militantisme constant contre le sexisme, le machisme, l'homophobie, la transphobie, le racisme, le fascisme, le classisme, l'expérimentation animale, le nucléaire, l'économie de marché, l'urbanisme, la répression, la politique d'immigration, le patronat, la violence contre les punks, la haine des moutons, etc. Ce qui lui a valu le surnom de Miss Anti-Tout qu'elle n'apprécie guère. Le temps de traverser la cour qui sépare le squat du bâtiment servant de remise, sauf l'étage supérieur vaguement aménagé un jour de grande folie philanthrope en piaule pour les potes de passage, et ils reviennent les bras chargés de pain de pâte à modeler, plein de couleurs différentes. Doit y en avoir un stock d'au moins 100 kilos. Souvenir d'une des virées de Glandouille et Pustule, la section punk à chien du squat. Personne n'a jamais su ce qui leur était passé par la tête cette nuit-là. Pas grand-chose, sûrement, comme d'habitude. Ils avaient piqué un vieil utilitaire après avoir passé une semaine à faire renifler des barrettes de shit à leurs trois kleps. Ils avaient dû avoir un tuyau, évidemment foireux, et s'étaient convaincus qu'ils pourraient dresser leur clébard à détecter le cannabis. Si les douaniers y arrivaient, vu le peu de neurones que le service partageait au niveau national, il n'y avait pas de raison qu'eux n'en soient pas capables. Résultat, ils avaient débarqué dans un entrepôt de banlieue et les chiens s'étaient mis à beugler et à cavaler dans tous les sens. Bref, pas discret. Dans l'urgence, ils avaient pété un verrou et rempli l'arrière du fourgon de paquets vaguement rectangulaires qui ressemblaient pas mal à des pains de shit. Et donc, la pâte à modeler. De Spy et Fonce-Dé, après s'être aéré les neurones, s'arrêtant quelques secondes pour contempler les étoiles qui clignotent comme des guirlandes d'un Noël de soir de 14 juillet, se réinstallent dans la grande salle commune. L'heure est à la création, architecturale. Le projet est simple. Recréer, à échelle réduite, un modèle assez fidèle du Pentagone. Pas qu'ils aient la moindre affinité pour les infrastructures du grand Satan impérialiste, mais ils ont besoin de s'occuper les mains. Et puis, faire un mini pentagone en pâte à modeler, c'est cool. Mange Poubelle va kiffer grave sa race quand il reviendra demain, ou après-demain, ou dans une semaine, de sa virée free party dans la campagne qui pue, ou de sa surboom boulgour et quinoa avec ses potes Krusty et Vegan au CICP. Ils ne savent plus trop, ils s'en foutent. Le speed et l'alcool provoquent toujours chez eux ce genre d'euphorie, cette envie d'aimer les gens qui les aident, ou le contraire, ou les deux en même temps. Parce que Mange Poubelle, à paraître une sorte de freegan qui n'a plus utilisé un savon depuis la chute de Constantinople, est un putain de fan de films d'horreur et de science-fiction de série B. Et qu'il a comme projet de tourner une sorte de Lupin production où l'empire du Satan impérialiste est pulvérisé par un Godzilla transgenre qui doit écouter du punk anarchiste et niquer des pétoncles bio. Un truc dans le genre. Tout n'est pas très clair dans leur savelle. Donc ils se mettent à l'ouvrage, les yeux exorbités, les mâchoires qui grincent, concentrés sur leur boulot comme s'il en allait de la sauvegarde de l'humanité. Enfin, la comparaison n'est pas la meilleure, ils n'en ont rien à foutre de l'humanité. À 4h37, alors qu'ils commencent à s'interroger sur les libertés architecturales qu'ils ont prises par rapport à l'original, il est vrai que leur pentagone ressemble plus à la pyramide de Khéops revue par un Gaudi sous LSD, Eva entre une troisième fois dans la pièce, encore plus furieuse. « Vous faites vraiment, mais vraiment chier. Vous cherchez quoi? Vous avez fait un pari à la con? Vous voulez savoir combien de temps je vais tenir avant de réellement péter une durite? C'est ça ?» Fonce-Dé regarde De Spy qui regarde Fonce-Dé. Double mou circonspecte. On fait de l'architecture chaotique, avec de la pâte à modeler. On a mis Chaos UK, mais même pas fort. Eva, on le voit, valser un des pains de pâte à travers la pièce. Les hurlements, c'est pas vous, et les putains de bruits d'explosion, les coups de frein, les sirènes de keuf. Ça vient peut-être de la pâte à modeler ? Ce n'est pas une tentative d'humour, juste une suggestion, peu logique, certes. À part ça, il ne voit pas d'où ça pourrait venir. Je te jure qu'on est aussi zen que des moines bouddhistes sous Tranxène. On n'a pas lâché un beuglement depuis que t'es descendu. Eva balaye la salle du regard. Mis à part Chaos UK en fond sonore, et un niveau bien en dessous de ce qui se pratique habituellement de nuit dans le squat, le calme règne. Un peu étrange dans cet endroit, mais après tout, c'est elle qui avait demandé. Putain, Manche Poubelle et ses films de débiles. C'est pas Manche Poubelle, il s'est cassé chez ses potes bouffeurs de graines. Eva lève les yeux au plafond, lâche une bordée d'insultes et disparaît de la scène. Elle est à fond. Bon, on va arrêter les travaux manuels, ça doit faire grincer les planches du sol en carrelage. Délicatement, ils s'ouvrent une binouse chacun et vont s'affaler dans le canapé, les yeux fixant le plafond, sans un bruit. Et ils se laissent emporter par le grand néant. De Spi est foncé sursaute. On vient d'entrer dans la salle commune. Ça ressemble à une tornade coiffée d'un casque de moto, vêtue d'un blouson de toile noire avec, dans le dos, un grand A entouré d'un cercle. Avec aussi les deux mains gantées et les protèges tibias en kevlar. Et ça fait des moulinets avec une baramine en agitant les bras et en tournoyant. Le lapin Duracell branché sur les surgénérateurs de l'EPR. Ils ouvrent leurs yeux collés, alors qu'une bonne montée d'adrénaline les sort de leur hébétude post-défonce. Puis ils soufflent. C'est pas une descente de CRS dans le squat. C'est juste Kropotkin qui s'excite tout seul comme un grand. Bordel, tic et tac, vous n'avez pas marre de vous mettre votre trace toutes les nuits? Debout, bougez votre cul de punk destroy. De Spi et Foncé se redressent en souriant niaisement. Allez, bande de larves, c'est pas le moment de lambiner. Le monde progresse, l'avenir est radieux. Personne ne peut changer ce courant général de l'histoire. De Spi tente de se relever, titube, s'accroche à l'accoudoir et retombe sur le canapé. Kropotkin a l'air à fond. Tu fais quoi, là? Mais putain, c'est pas vrai! C'est le soulèvement populaire, les prémices de l'anarchie, ça cartonne dans tous les sens. Bougez-vous, je vais péter quelques rotules de keuf et je reviens vous chercher. Vous vous équipez. Ouais, se dit Foncedé. Faut être équipé pour la révolution. Il va aller se refaire sa triple crête. Kropotkin sort aussi vite qu'il était entré, emportant avec lui toute l'excitation ambiante. Les deux copons se laissent taper à nouveau par le canapé. La révolution peut bien attendre une heure ou deux. Une heure ou deux plus tard, aucun signe de Kropotkin. Il a dû se faire embarquer par la police anti-émeute. Tout est normal. De Spi et Foncé sortent progressivement de leur état léthargique. C'est calme dans la maison. Eva pionce encore, Manche Poubelle doit toujours être en train de picorer des graines de millet ou de tournesol piquées aux moineaux, et Glandouille et Pustule, bah, en bon punk à chien, ils sont partis depuis une semaine dans le sud de la France. C'est la saison des migrations. Faire la manche à deux pas de la plage, c'est plus sain. Et le touriste est plus aimable que le Parisien, même si, question générosité, l'un comme l'autre se situe bien bas sur l'échelle de la philanthropie. Dehors, effectivement, il y a de l'animation. Pas dans la grande cour ou dans le jardin du squat. Là, c'est aussi la mer de la tranquillité. Mais ils peuvent entendre des hurlements, des sirènes et même quelques coups de feu provenant de derrière les hauts murs qui cernent leur havre de bonheur et de non-loi. Il se passe bien quelque chose dans le monde extérieur. On vient d'entendre un extrait du polar post-apocalyptique Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. La lecture est le fait de la camarade inconnue Anouchka trouvée sur la toile. Amis de la haute culture, ne vous attendez pas à grailler un morceau de littérature, mais plutôt de se faire joyeusement ravager la cervelle avec une bande de punks déjantés dans un Paris post-apocalyptique qui vole en éclats avec l'invasion des manches cervelles. Donc, on suit une bande de punks qui vivent ensemble dans un squat et qui est composée d'un duo inséparable de Spi et Foncedé. De la militante viscérale Eva, de l'anarchiste orthodoxe Kropotkin, du débrouillard Manche Poubelle et enfin des deux punks à chien, Glandouille et Pustule. quand deux spies effondrés émergent de leur dernier trip d'acide dans leur squat, c'est pour découvrir que Paris est envahi par une horde de bouffeurs de cervelle vociférants. Soit la daube était trop forte, soit l'apocalypse zombie est bel et bien advenu. C'est peut-être enfin l'occasion qu'attendait Kropotkin, leur camarade de squat, pour réaliser un vieux rêve futile, faire flotter le drapeau de l'anarchie sur la capitale. L'auteur irrévérencieux de cette vomissure zombiesque n'est autre que Karim Berouka. Vous le connaissez peut-être, il s'agit du chanteur principal du groupe punk dérisoire à consommer au 88e degré, j'ai nommé les Ludwig von 78. En conclusion, et donc c'est plutôt un roman drôle et on s'y poile bien. Après, il s'étend un peu inutilement. Peut-être qu'un roman c'était de trop, une nouvelle aurait suffi. Bref, lisez le début et inventez la fin. C'était donc la présentation du roman « Le club des punks contre l'apocalypse zombie » de Karim Berouka aux éditions J'ai lu. Comme ce n'est pas non plus une maison d'édition collectiviste, inutile de vous saigner pour vous le procurer, empruntez-le définitivement. Mesdames et messieurs transgenres et sans genre, faites crier les zombies. Et pour se faire sauter la cervelle comme il se doit, on s'écoute un morceau live des Ludwig von 88, leur titre ultra technoïde, Nous sommes les babas. Nous sommes des babas, nous sommes des babas, nous aimons les fleurs, nous aimons les fleurs, nous sommes des babas, nous sommes des babas. Viens donc avec nous, jusqu'à Katmandou, jusqu'à Katmandou. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Nous faisons l'amour, nous faisons l'amour. Retour des petites fleurs contre les gentils. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. T'as pas les cheveux assez longs. Assis dans les fleurs, nous confusons en cœur. Nous le faisons sang au fond des cours d'eau. Nous sommes des babas, nous sommes des babas. Peace. Une maison bleue, accrochée à la colline, on y vient à pied, on ne chante pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. San Francisco se lève, San Francisco se lève. Allez, Jim Morrison. San Francisco, où êtes-vous? Dylan, merci à Titi, merci à Patrice, merci à Christiane, merci à David pour sa musique et la technique, et merci à Serge pour la technique. La Distro Lapinothèque est présente sur Tranche d'Anard et Radio Air Libre 87.7 tous les derniers mercredis du mois et le vendredi qui suit. Rendez-vous donc